Bonjour tout le monde. A very special podcast today. We are very lucky to have a guest from Cameroon who's going to talk to us a little bit about her country. Alors, bienvenue. Et d'abord, permettez-moi de vous demander de vous présenter. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Faith. Je suis camerounaise et je suis aux États-Unis pour mes études. Alors, Faith, vous êtes ici pour vos études. Parlez-nous un peu du Cameroun. Où se trouve le Cameroun et quels sont les pays voisins? Alors, voyons voir. Le Cameroun se trouve au centre d'Afrique. À l'ouest, il y a le Nigeria et le golfe de Guinée. À l'est, il y a la République centrafricaine. Au nord, il y a le Tchad et le Niger. Et au sud, il y a le Gabon et le Congo. Merci pour cette leçon de géographie. Et question un peu stupide, quel temps fait-il au Cameroun en ce moment? Au Cameroun, à ce moment, il fait froid. C'est l'hiver? Non. En quelle saison sommes-nous au Cameroun alors en ce moment? Au Cameroun, nous sommes dans la saison des pluies. Donc il pleut beaucoup et il fait froid, c'est ça? Oui, il pleut beaucoup et il fait froid. Une autre question sur le Cameroun. Combien de personnes habitent au Cameroun? Au Cameroun, il y a environ 16 millions de personnes qui habitent au Cameroun. Donc, c'est un pays beaucoup plus petit que les États-Unis pour la population. Et quelle langue parle-t-on au Cameroun? Au Cameroun, il y a deux langues officielles, le français et l'anglais. Mais il y a aussi des centaines de petites langues qu'on parle aux petites tribus. Mm-hmm. Oui. En France, le drapeau national est bleu, blanc, rouge. Alors, quelles sont les couleurs du drapeau du Cameroun? Le drapeau du Cameroun est vert, rouge et jaune. Ah, ok. Ce sont de très belles couleurs. C'est bien ça. Et pendant que nous sommes dans le nationalisme et dans le patriotisme, aux États-Unis, nous chantons the Star Spangled Banner. En France, on chante la Marseillaise. Et qu'est-ce qu'on chante au Cameroun? Au Cameroun, nous chantons le chant du ralliement. Ah, le chant du ralliement. Et question haute, capitale de la France, Paris, quelle est la capitale du Cameroun? La capitale du Cameroun s'appelle Yaoundé, mais la capitale économique du Cameroun, c'est Douala. Douala, oui. Ok. Ici, on utilise des dollars aux États-Unis. En France, on utilise des euros. Et quelle monnaie est-ce qu'on utilise au Cameroun? Au Cameroun, on utilise le franc CFA. Le franc CFA. Le franc CFA, donc pas l'euro. Non, le franc CFA. Il est maintenant, il est 9h30 du matin à Los Angeles. Alors, quelle heure est-il au Cameroun? Il est 3h l'après-midi. Même jour. Oui, du même jour. Oui. Du même jour. La France est un pays de tradition catholique. Quelles religions sont présentes au Cameroun? Au Cameroun, il y a trois religions principales, les catholiques, les protestants et les musulmans. Les musulmans, oui. Okay. Donc, est-ce que la population musulmane est en train de grandir comme en France? Est-ce que c'est la religion qui se développe le plus au Cameroun en ce moment? Pas vraiment. La religion qui se développe le plus, c'est les catholiques. Alors, comme monument important, en France, évidemment, à Paris, il y a la Tour Eiffel. Alors, quel monument célèbre est-ce qu'on peut visiter au Cameroun ou quel site célèbre est-ce qu'on peut voir? Au Cameroun, il y a des Twin Spires. Uh-huh. Ça symbolise la réunification des deux Camerouns, Cameroun anglais et français. Uh-huh. Et il y a aussi le monument de la famille qui symbolise la famille au Cameroun, la grande famille. Oh, c'est fantastique ça. Ça me donne vraiment envie de faire un voyage au Cameroun. Et en musique, parce que la musique est très importante pour les gens, en France, nous avons des chanteurs classiques comme Piaf, Brel, Brassens. Qu'est-ce que les Camerounais écoutent comme musique? Bon, au Cameroun, les vieux écoutent... ce qu'on appelle le makossa ou bien le jazz, mais les jeunes, ils préfèrent le zouk ou les coupés décalés ivoiriennes ou bien la musique américaine. Eh bien, voilà qui est intéressant et qui nous donne un bon programme pour découvrir le Cameroun. Dernière question, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose et partager quelque chose avec nous sur le Cameroun qui était vraiment important pour toi, toi, dont c'est ton pays? Surtout, je trouve que le Cameroun est vraiment formidable parce qu'il aime le sport, surtout le football. Ah, c'est un pays du football. Ouais. Et ce que je n'aime pas beaucoup, c'est que les Camerounais boivent beaucoup. Ah, ils aiment beaucoup la bière. Ah, ouais. Donc, moralité, si vous allez au Cameroun, visitez la capitale, visitez le monument de la famille, mais selon Faith, évitez la bière. Eh bien, je vous remercie et voilà notre petite fenêtre sur le Cameroun. Au revoir et à demain.